Le 15 octobre 1894, le capitaine Dreyfus est arrêté pour haute trahison. Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. Revivez l'affaire Dreyfus avec ses multiples rebondissements et ses personnages hors du commun. J'accuse, une série audio originale à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Hans Hartung, peintre mouvementé. Lorsque Hartung est arrivé à Paris en 1935, j'étais frappé par la richesse qu'il amenait à l'abstraction. Il a fallu quelques années pour s'apercevoir que lui avait une conception d'art abstrait qui allait durer parce qu'elle comportait, n'est-ce pas, des modalités plus souples. Enfin, nous tous, nous avions derrière nous les structures orthogonales. Et lui avait trouvé, au fond, comme Arpe déjà auparavant, n'est-ce pas, la force qu'il y avait entre des rapports courbes. Alors il avait aussi une façon d'éprouver ça passionnément. C'est un peintre passionné, c'était quelque chose de lyrique. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. On entendait le grand Jean Hélion qui avait beaucoup contribué à faire installer une toile modeste dans un corridor de la galerie Charpentier dans une petite exposition à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et voici que pour sa réouverture, le musée d'art moderne de la ville de Paris consacre 1500 mètres carrés. Il faut toujours donner des dimensions d'importance quand on parle de Hartung. À ce peintre, Thomas Schlesser, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Vous animez depuis Antibes sur le site qu'habitait Hartung avec son épouse Anna Eva Bergman, une fondation qui porte leurs deux noms associés. Alors vous vouliez d'abord qu'on parle de la dernière toile de Hartung, du dernier jour de travail de Hartung, une grande toile de sa dernière année, 89, et d'ailleurs présente à l'exposition du Musée d'Art Moderne. Il faut mesurer que Hartung, en 1989, a 85 ans, il est né en 1904, il était né à Leipzig, qui est devenue donc une ville qui appartenait ensuite à l'Allemagne de l'Est, où il ne retournera pas. Il fait son avant-dernière séance de travail fin octobre 89, le mur tombe dans la nuit du 8 au 9, et une semaine plus tard, le 16 novembre, il fait sa dernière séance de travail, la dernière œuvre de Hartung est présente dans l'exposition du Musée d'Art Moderne et il mourra le 7 décembre 89. Et enfant, en Allemagne, il raconte qu'on lui interdisait de se tenir derrière la fenêtre quand il y avait de l'orage. Donc la première chose qu'il faisait, c'était de se mettre derrière la fenêtre quand il y avait de l'orage. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a aimé le trait. Oui, parce qu'en fait, il disait que pour conjurer sa peur de la foudre, s'il était capable d'esquisser le trait d'un éclair plus vite que l'éclair lui-même, alors il arriverait à s'en défaire. Et donc vous voyez comme il y a quelque chose de l'ordre de la rapidité, de la spontanéité d'exécution, mais aussi quelque chose en prise avec les éléments qui dictent d'emblée le destin d'Hartung, son destin de dessinateur et de peintre. Enfin, il est vrai que quand il va dans la mer, assez souvent, au moins deux fois, il manque se noyer. Oui, mais alors, ceci étant, oui, vous faites référence à des anecdotes de son enfance. Ceci étant, Hartung était quand même un excellent nageur, un grand sportif, et d'ailleurs, dans la villa qu'il fait construire à Antibes, alors qu'il a perdu une jambe et à cause d'une blessure à la guerre, il continue de nager jusqu'à la toute fin de sa vie. Ben, on parlera du tempérament physique de Hartung qui lui permet d'entrer dans la Légion étrangère, mais pour l'instant, on est encore en Allemagne. On est à Dresde et aux environs. Il a 15 ans, et il raconte une rencontre décisive qu'il a eue, au point de s'évanouir presque, à Yves Kovacs. C'est un documentaire de la télévision de 1980. À Dresde, je fréquentais beaucoup le musée et ses Rembrandts. À Brunswick, je découvris le fameux tableau de la famille. J'eus soudain la révélation de ce que je ferais plus tard. Mon émotion fut si forte que je faillis m'évanouir. J'ai vu une époque religieuse très, très poussée. Alors, c'est un peu par cette côté, d'ailleurs, par cette espèce de choses religieuses, que je suis venu à l'art, justement, par Rembrandt. Et de Rembrandt, par Rembrandt, justement, par ses dessins, je crois que c'est là, le départ véritable de ma tendance abstraite. Parce que, dans les dessins de Rembrandt, très souvent, c'est le trait lui-même. C'est pas seulement la présentation humaine merveilleuse, enfin, divine, si vous voulez, qu'il avait. C'était pas seulement le thème, c'est pas seulement cette chose-là, mais c'est l'expression plastique, cette espèce d'humanité profonde, et qui se montrait dans les traits, dans la tâche elle-même. Dans la tâche, dans les plis, dans les détails, ce vivant magnifique qu'il rencontre, c'est Rembrandt. Oui, Rembrandt est son premier grand choc esthétique, non pas tant, comme il le dit lui-même, hein, pour la généralité de la composition d'une peinture de Rembrandt, que pour les détails, et les détails proprement plastiques, c'est-à-dire la qualité d'une touche, et d'une touche qui finit par devenir, pour celui qui la regarde très attentivement, une tâche. Et c'est vrai que, quand on voit le destin de peintre de Hartung, c'est d'abord quelqu'un qui est fasciné par les tâches. Les tâches avec leur aspect informel, hasardeux, l'imbibation qu'il peut y avoir dans le papier d'une tâche, une tâche avec son côté aléatoire, et qui est donc support de toutes les rêveries et de tous les possibles. L'embryon de l'art d'Hartung, c'est la tâche. Mais alors, si on découpait toutes les tâches et tous les détails, ici, là, ailleurs, de Rembrandt, si c'était possible, on ferait un tableau assez actuel. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce que dit Hartung, qui fait d'ailleurs une démonstration à un moment donné, pour la caméra de Max-Paul Foucher en 59, où il montrera, en effet, avec des caches, une œuvre de Rembrandt dont il isole un détail, et il dira, bah, vous voyez, ça, c'est une œuvre contemporaine, c'est une œuvre moderne. Oui, il a beaucoup parlé finalement à la radio et à la télévision, on va l'entendre dans un instant avec François Le Targa. Il évoque dans ses entretiens d'autres rencontres qui ont eu lieu à Dresde en 1926 à l'occasion d'une grande exposition où la peinture moderne, le surréalisme, le cubisme, d'autres étaient présentées, une peinture venue du monde et qu'il ne connaissait pas. Ensuite, il arrive à Paris, et là, à Paris, pieusement, je ne sais pas si le mot convient à ce peintre mouvementé, il copie. J'ai fait des tableaux à la Van Gogh, j'ai fait des tableaux à la Picasso, j'ai fait des copies de Matisse, j'ai fait des copies d'Abel Greco, j'ai fait des copies d'Abel Goya, j'ai fait des copies de Franz Hals, j'ai tapé tout le monde. Je voulais les tous complètement comprendre, parce qu'uniquement en peignant comme eux, ou en les copiant directement d'abord et ensuite en peignant comme eux, on comprend les possibilités qu'ils étaient en eux et qui n'étaient peut-être pas encore épuisées. Alors c'est le contraire de l'anarchiste. Tout en l'étant à la fin peut-être. Enfin, vous connaissez, quand on veut détruire quelque chose, il faut être sûr de ce qu'on veut mettre à la place soit plus sain et plus vrai que ce qui existait avant. Comprendre les possibilités qui étaient chez les grands anciens et qu'ils n'ont peut-être pas complètement épuisé. Ça veut dire qu'il ne faut pas rompre. Alors, en effet, Hartung n'est pas quelqu'un qui rompt avec la tradition, c'est quelqu'un qui s'en réempare, et je dirais qu'il va la pousser dans ses retranchements, et souvent dans les retranchements de sa simplification. Par exemple, quand il dit « j'ai copié Goya », c'est tout à fait juste, il a copié une œuvre célèbre de Goya, le 13 de Mayo, le 3 mai, une scène d'exécution hein, par les armées napoléoniennes. Et quand il le copie, en fait, il en fait plusieurs versions, jusqu'à complètement abstractiser le personnage qui se fait fusiller et qui finit par se réduire à une sorte de nuée de blanc et de noir, encore une fois ce fouillis de tâches. Voilà comment travaille Hartung. Mais je ne suis pas un anarchiste, dit-il, encore que... Oui, parce que quand il se comparait avec les maîtres de l'abstraction géométrique qui n'étaient pas loin de trouver un peu froid, il y a une exposition Mondrian à Paris, le Mondrian figuratif, oui. Mais peu importe. Il dit, ben, c'était des communistes un peu. Moi, je suis un anarchiste par rapport à ces communistes-là. Disons qu'en tout cas, Hartung est quelqu'un qui, premièrement, ne croit jamais aux idéologies. Donc, Dieu sait s'il sera anti-nazi, mais il sera également quelqu'un qui n'a vraiment aucune tentation du côté du Parti communiste. Et par ailleurs, même s'il a des très bons amis communistes, je tiens à le préciser, c'est d'ailleurs pour ça qu'en partie il se fera inquiéter par la Gestapo en 1935 à Berlin. Mais pour répondre vraiment à votre question, Jean Lebrun, le Hartung anarchiste, on peut parfois le sentir dans les fusions de son geste et dans sa quête effrénée de lyrisme. Ceci étant, c'est quelqu'un qui se maîtrise en permanence, qui exerce un profond contrôle sur son geste et sur lui-même, qui a au fond quelque chose, on pourrait dire, c'est un lieu commun, mais quelque chose d'assez protestant dans sa manière d'être. Et en ce sens, c'est un anarchiste, en effet, tout à fait, si vous me permettez le paradoxe, l'oxymore, c'est un anarchiste sous contrôle, voilà. Jusqu'en 1935, on parlera de son passage définitif du côté français à cette date. Il fait l'aller-retour France-Allemagne. Et puis il a une direction pour le sud, le 4, où il va avec sa future épouse. et Minorque. Alors là, on est en Espagne où il s'installe avec la même qui est devenue son épouse, Anna oui. Eva Bergman. Anna Eva Bergman, donc formidable artiste d'origine norvégienne qu'il épouse en 29 et en 32, il va à Minorque parce qu'en fait, il n'a pas beaucoup d'argent. Et figurez-vous qu'à l'époque, au Baléares, ça ne coûte rien de se faire construire une maison. Enfin, là, il s'est installé aussi dans un endroit particulièrement isolé, un peu hostile. Tout à fait. Et c'est d'autant plus hostile que les gens ne le savent peut-être pas, mais à l'époque, le gouverneur des Baléares est un certain Franco, qui est à l'époque pas du tout connu. Mais Hartung étant allemand, ayant évidemment parlant allemand avec Anna Eva Bergman, en Espagne à cette époque-là, et faisant des espèces de dessins abstraits dans une maison qu'il a créée, qui est magnifique, mais qui ressemble un peu à un bunker, il est soupçonné d'être un espion. Et du coup, les locaux, les paysans qui l'entourent, les pêcheurs, vont avertir le gouverneur des Baléares, Franco, qu'il faudrait peut-être mettre à la porte ce dangereux étranger. Petite maison blanche dont les dessins sont faits avec Anna Eva Bergman, comme plus tard la grande maison blanche que vous animez aujourd'hui à Antibes sera conçue par l'un et par l'autre ensemble. Ils se sont mariés en 1929 et si mes informations sont exactes, la sœur de Hans Hartung, qui était violoniste, a joué du Bach. Et Bach, on va le retrouver chaque soir dans l'atelier d'Hartung qui aimait peindre dans le noir au milieu de la musique. Ici, c'est Alfred Brendel dans une version pour piano du concerto italien de Jean-Sébastien Bach. De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Une grande exposition, c'est pas si courant, au musée d'art moderne de la ville de Paris, consacrée à Hans Hartung, dont nous parle Thomas Schlesser, qui anime à Antibes la fondation Hartung, Eva Anna Bergman. Anna Eva Bergman était son épouse. Enfin, du moins jusqu'à un premier divorce. Parce que pendant la période que nous allons aborder maintenant, de la vie mouvementée, de Hartung n'est plus présente. Il quitte l'Allemagne, inquiété par la Gestapo, disiez-vous. Oui, il a même fait une nuit en prison, il s'est fait tabasser, tout ça parce que je vais pas vous faire la description de ce qu'était la Gestapo en 35, a fortiori pour quelqu'un qui, comme je le disais, avait des amis juifs, des amis allemands, des amis communistes, et qui, par ailleurs, faisait de l'art qui était tout à fait assimilé à ce qu'on appelait l'art dégénéré. En 1939, la situation n'est pas facile non plus en France pour les exilés politiques allemands qui peuvent être confondus avec des ennemis de la nation. Et lui fait le choix de s'engager dans la Légion étrangère. Vous disiez que c'était un homme costaud, solide et puis qui est habitué parce qu'il faut être un homme mais aussi être solitaire, la solitude quand on est dans la Légion. La Deuxième Guerre mondiale est enclenchée. C'est la folie du Reich. Hartung ne se reconnaît plus dans cette Allemagne fanatisée. Alors, en août 1939, il fait son choix. Il prendra les armes du côté de la France contre son propre pays. Il contracte un engagement auprès de la Légion étrangère, seul corps militaire qui accepte les Allemands en son sein, et il embarque pour Sidi Bel Abbès en Algérie, sous le matricule 11553. Le 15 mai, alors que la France est en train d'être humiliée, défaite par l'Allemagne, il signe un profil stupéfait et hurlant. Juin 1940, la France a capitulé et collabore avec le Reich. Hartung est démobilisé le 8 octobre. Nous sommes restés dans le Lot sans un sou. Je peignais sur des emballages de n'importe quel magasin. On n'avait rien, on n'avait ni peinture, ni rien du tout. Franchement, on n'avait ni de nourriture. Il fallait que je travaille pour arracher des pommes de terre ou des vignes, etc. Avant la voix d'Hartung qui évoque les années difficiles 41-42, on aura reconnu celle de Romain Goupil qui consacre un téléfilm au peintre. Oui. C'est sur Arte dans peu de jours. Hein. Oui, Hartung, la fureur de peintre, sera le 17 novembre sur Arte. Thomas Schlesser, ensuite, il va retourner dans l'Espagne dont Franco l'avait chassé en passant clandestinement les Pyrénées. Ben oui, parce que c'est l'invasion de la zone libre fin 42. Hartung étant allemand, si jamais il se fait prendre, il se fait fusiller sur place, hein, par les Allemands, puisqu'il est traître à sa patrie. Donc il n'a pas d'autre choix que de passer clandestinement les Pyrénées, dans des conditions qui sont horriblement difficiles et dangereuses, hein, exactement d'ailleurs dans des conditions qui pourraient être comparées à celles des migrants d'aujourd'hui. Et en 43, quand il arrive en Espagne, là les choses se viennent horriblement compliquées, il est enfermé dans de nombreuses geôles franquistes, dont certaines sont très très dures, pareil, il se fait malmener, tabasser, affamer. Et puis finalement, il va dans le camp de concentration de Miranda, qui est un camp de concentration sous égide de la Croix-Rouge. Donc il ne faut pas imaginer un enfer absolu, mais enfin, c'est quand même extrêmement, extrêmement difficile sur le plan sanitaire et moral. Vous avez entendu Goupil évoquer les profils qui lui arrivaient déjà de faire pendant la première période de la Légion étrangère. C'est pas qu'il soit revenu au figuratif? Ben un petit peu quand même. En fait, sous influence à la fois des personnages du Guernica de Picasso, tableau très célèbre qu'il avait vu en 37, et puis de son beau-père, Julio González, le père de la deuxième épouse d'Hartung, il va faire des profils qui sont des profils en effet figuratifs et qui donnent le sentiment, qui sont vraiment les symboles d'un état d'alarme dramatique devant la catastrophe qui sévit en Europe. Il réussit à quitter l'Espagne, il passe en Afrique du Nord, il se engage dans la Légion. Et là, fin 1944, on oublie combien a été difficile la campagne de reconquête de l'Est de la France. Il est gravement blessé dans les environs de Belfort. Absolument, à Buc. Il est brancardier. Il va chercher un des légionnaires qui a été blessé. Et il est blessé juste en dessous du genou droit. Et il va être amputé une première fois. Et parce que l'amputation est pas très bien faite et qu'il y a une énorme poche de pus qui se forme sous son genou, il va devoir être transporté de Dijon à Toulouse avec la jambe complètement gangrénée, hein, pendant 3 jours en voiture. Et là, il est amputé une deuxième fois sans anesthésie. En fait, une anesthésie seulement très partielle. Et donc, il a le sentiment, au moment de 44-45, d'avoir vraiment d'être passé à côté de sa vie. Le critique de Libération qui a visité l'exposition du musée d'art moderne de la ville de Paris a cette formule qui n'est pas très élégante mais qui n'est pas sans vérité, on aura l'occasion d'y revenir, c'est pas parce qu'il a perdu une jambe qu'il ne peint plus de main morte. Alors, Thomas Schlesser après-guerre, il va s'installer... On reconnaît le style de Libé. Il va s'installer dans différents ateliers parisiens, il va retrouver Anna Eva Bergman. Oui, ça c'est fou, c'est qu'en 52, ils se sont pas vus depuis 15 ans, ils sont un tout petit peu écrits seulement. Et au moment d'un vernissage d'une exposition, en plus celle du beau-père mort de Hartung, Julio González, ils retombent amoureux l'un de l'autre et ils finiront leur jour ensemble. Et ils conçoivent, à la fin des années 1960, le projet de s'installer à Antibes. Ils dessinent les plans d'une maison, atelier, avec un grand parc autour. C'est un parc extraordinaire, c'est un parc... C'est là que vous habitez, il faut dire. J'y habite pas, j'ai un logement de fonction comme directeur, mais c'est pas y habiter. L'endroit est extraordinaire, puisque c'est un parc de 2 hectares, avec environ 200 oliviers, et surtout des bâtiments conçus par Hartung, avec la complicité de Bergman, qui sont sur le plan architectural exceptionnels. Je voudrais vraiment dire juste un mot là-dessus, c'est que Hartung, en plus d'avoir été peintre et dessinateur et photographe, a été un architecte de très très grande taille. talent, avec une minutie dans le regard et une originalité, une simplicité dans son sens du bâti qui est époustouflante. Alors avec un goût pour les grandes ouvertures sur la nature, comme au temps de l'enfance, où la fenêtre refusait de s'ouvrir sur l'orage. Pierre Descargues, grand critique d'art sur France Culture, a souvent parlé de Hartung, et le voici qui visite la maison atelier. Nous avons franchi un grand portail noir et nous sommes entrés aux abords d'une maison. Une maison basse, blanche, grande, discrète, invisible de la route. Hans Hartung est un homme bien caché. Et là, on est ressorti pour prendre une nouvelle voiture pour aller à l'atelier qui est au bout du jardin. Voilà, une maison blanche, une grande porte noire. On rentre et le soleil qui est au-dessus de nous, les oliviers, les mimosas. Et voilà l'atelier. Une grande toile. Messieurs, bonjour. Là, ce sont les assistants de Hans Hartung, debout devant un champ d'oliviers. C'est le nom de la maison d'ailleurs. Il y a une grande toile blanche qui est là, sur un tréteau, à plat. Un travail va commencer. Peut-être vous nous dites comment vous travaillez avec trois personnes. Comment ça se passe? Ah, c'est difficile, mais je ne peux pas le dire devant eux. Je peux pas le dire devant les assistants. Je crois qu'en fait, il y a chez Hartung un goût du secret vis-à-vis surtout des journalistes en réalité. Ce qui est trompeur là-dedans, c'est que il jouait beaucoup au chat et à la souris. Même, je pense même avec Pierre Descartes qu'il aimait beaucoup, parce que il était très très attentif à garder ses méthodes et ses secrets d'atelier pour lui. D'ailleurs, mais il se laissait filmer en même temps. Il se laissait filmer, mais croyez bien qu'il y avait chez Hartung un sens de la mise en scène. Vous savez, dans le catalogue de l'exposition, Pauline Marie décrit Hartung comme un acting painter, c'est-à-dire quelqu'un qui devant la caméra est aussi capable de composer pour camper un personnage. Et j'en profite pour dire une petite chose, Jean Lebrun, c'est que précisément l'intérêt de cette exposition au Musée d'Art Moderne, c'est de permettre de véritablement voir toutes les méthodes qu'utilisait Hartung, alors que lui-même les gardait secrètes de son vivant. Alors, il n'y allait pas de main morte. Il faut dire que à partir d'un certain moment, il s'est aidé de balais de genêt coupés dans la propriété, oui, de pistolets de carrosserie, oui, de râteaux en éventail, de machines dites tyroliennes qui projettent des enduits et d'aspirateurs inversés. Enfin, je dis ça avec précaution parce que je crois que tout la Fondation Hartung Bergmann a tout numérisé et tout numéroté, mais du vivant d'Hartung, il ne s'agissait pas de nommer ses outils. Bah, c'est-à-dire que du vivant d'Hartung, tout est complètement empirique. Il récupère ou il fabrique un peu tout ce qui lui passe sous la main pour véritablement expérimenter sur la toile. Et en effet, une tyrolienne, c'est ce qui permet de faire du crépi en maçonnerie, et ça lui permet, une fois qu'il a mis de la peinture dedans, par exemple, d'avoir des effets d'abstraction très grumeleux, qui sont absolument magnifiques. Il a vraiment ce sens du bricolage depuis sa prime enfance, et il poursuit ses expérimentations jusqu'à la toute fin de sa vie. Alors, bricolage, moi j'aime bien le mot, comme j'aime bien les papiers du Journal des Arts, parce que au moins, voilà, une publication où on a des comptes rendus critique. Oui, alors il y a beaucoup d'erreurs malheureusement. Mais... Oui, mais enfin, vous avez trois pages sur Léonard de Vinci qui n'encense pas les commissaires. Alors là, le journaliste dit ça devient du bricolage à la fin, sous prétexte de vaporisation de soi, vous nous expliquerez ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pas des variations décoratives d'une puissance plus apparente que réelle? Oui, alors dans cet article qui confond quelques dates, qui dit par exemple que Hartung change de technique dans les années 70, alors que c'est 1960, il y a quelques problèmes de chronologie, mais c'est pas grave. La conclusion du journaliste n'appartient qu'à lui, c'est ce qu'on appelle une critique d'autorité, ça, c'est-à-dire on me lance une question un peu rhétorique pour donner le sentiment qu'il y a un peu de polémique. Oh, je crois que ça n'amène pas tellement de commentaires. Bon, alors le changement, c'est donc dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? Mais c'est très important, c'est qu'il y a il y a une invention majeure qui est la peinture industrielle, la peinture vinylique et acrylique, et qu'en fait ça change tout. Vous voyez ce décalage de 10 ans, c'est que Hartung, au moment où il y a cette invention, se précipite pour l'expérimenter. Il abandonne donc sa méthode de la peinture à l'huile qui était très lente, très précautionneuse, avec une méthode de report, de mise au carreau extrêmement détaillée, pour aller travailler dans la vitesse, le frais, dans une forme de libération du geste. Mais il ne le fait pas en suivant ce qu'il voit chez les autres artistes dans les années 60. Non, c'est lui qui est pionnier en la matière. C'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment le détail des dates à chaque fois. Alors, libération du geste, il n'y va pas de main morte. Voici comment la chose est vue par Jean Tardieu, grand maître de la radio et qui participait justement à l'émission de Pierre Descargues. Hartung, ce que l'on ne parvient pas à cerner par l'accumulation des figures, peut-être saurons-nous l'exprimer par l'économie agissante, la réserve, l'efficacité d'un signe seul, choisi entre mille, longtemps retenu et soudain lancé dans le vide et dans le rien. La main qui fait glisser ce projectile, qui met en route fortement cette longue et large trace colorée, la main est sûre d'elle-même. Elle s'est exercée, comme au maniement du javelot, à cette sorte d'écriture foudroyante qui n'est pas seulement le succès de l'adresse, mais la récompense du tourment de l'esprit. La main n'est pas morte, d'où l'efficacité d'un signe soudain lancé dans le vide et le rien. C'est magnifique, je connaissais pas ce son de Jean Tardieu, qui était un grand ami de Hartung, et qui a écrit sur lui abondamment. C'est une très très belle découverte. Merci France Inter. Mais c'est un texte que vous allez trouver imprimé, et on pourra l'ajouter à la liste des textes qui figurent à la fin du catalogue édité par le musée d'art moderne de la ville de Paris. Parmi les amis, Soulage. Dont oui, on célèbre bientôt le centenaire. Oui, absolument. Ami, émule, on pourrait dire. Soulage a beaucoup réinventé sa propre légende en mettant un peu Hartung en appendice de son propre trajet. En réalité, Hartung a été plus que moteur pour Soulage. Et il serait bon que les historiens revisitent l'histoire de leur amitié, de leur complicité, de manière un peu plus proche des archives et moins simplement de l'oralité. Mais la gamme des couleurs d'Hartung, elle est plus soumise à variation que celle de Soulage. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que Hartung, c'est vrai, a eu un tropisme pour les bruns, les couleurs sourdes, le noir aussi, jusqu'à la fin des années 50. Puis ensuite, sa palette s'est considérablement élargie. Il a fini par se familiariser avec les tonalités chaudes, avec le rouge, le jaune et même le rose qu'on voit apparaître en 1989. Et je dois dire que cette effusion finale, ce lyrisme final, c'est une des grandes réussites aussi de ce qu'on peut voir à l'exposition du Musée d'Art Moderne. Qui gagne en puissance, on va faire l'inverse du Journal des Arts, qui gagne en puissance à mesure que d'un espace l'autre, les fenêtres s'ouvrent. En tout cas, qui gagne, je dirais, en liberté, en puissance, ça c'est subjectif, en liberté à la fois de la part de Hartung. Et puis, il y a quelque chose qui est extrêmement émouvant, c'est qu'au fond, plus la vieillesse avance et plus la mort approche, plus cette peinture devient vitaliste. L'exposition du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, c'est jusqu'au 1er mars. Et en 2021, vous allez ouvrir plus largement au vaste public la fondation à Antibes. C'est une fondation qui, pour le moment, en effet, est un peu centrée sur elle-même, même si on accueille beaucoup de chercheurs, mais elle a des difficultés parce que ce n'est pas un musée à faire valoir son patrimoine qui est extraordinaire. Parce que vous avez déjà tout numérisé, la banque de données est parfaite, ou presque. Presque, mais ça c'est grâce au travail incroyable de l'équipe de la fondation. Par ailleurs, c'est vrai que comme les ateliers sont splendides, j'aimerais qu'ils soient plus accessibles au public. Normalement, ce sera pour 2021, peut-être 2022, Jean Lebrun. Alors, il y aura un bâtiment d'accueil comme au Musée d'Art Moderne avec une billetterie. Eh oui, absolument. Mais à la place de quoi ? À la place des oliviers ? Il faut peut-être déplacer quelques oliviers. Oh là là. On peut pas les abattre à Antibes. C'est interdit, mais il faudra peut-être en déplacer deux ou trois. Vous transplanterez les oliviers. Merci à vous, Thomas Schlesser. Merci, Jean Lebrun. L'émission a été préparée par Franck Olivard, à la technique Nicolas Cazot, et la réalisation, c'était Audrey Ripouille.